And all my life temptation. Temptation. Thank you.

Bienvenue dans le monde de l'underground by Fred Cominatia. De la soul, du funk, du hip-hop, du new disco, de l'indie dance et surtout de la house, deep house, tech house, jusqu'à la progressive. Des présentations d'artistes et labels internationaux, mais aussi d'associations et collectifs régionaux. Tous les jeudis 17h-20h, des nouveautés et des mix live en son et images par Cominatia. Mais aussi par des invités de choix du monde de l'underground. Voilà, c'est déjà fini, 3 heures, ça passe vite quand on s'amuse. J'espère que ce Good Vibes spécial techno vous a plu. C'est une techno de Good Vibes, quoi, qui s'écoute tranquille. Voilà, on se retrouvera la semaine prochaine. Je crois que je vais faire un Good Vibes Ultimate Extra. Je vous dirai ce que c'est. Ça sera un petit mélange de nu disco, de tech et de tech house, mais sur du tempo qui envoie, quoi. Mais ça, c'est pour la semaine prochaine. En tout cas, amis confinés, auditeurs de Radio Méditerranée Var, je vous embrasse avec une distanciation sociale, bien sûr, adéquate. Et je vous dis à la semaine prochaine et restez sur l'antenne. Allez, courage.